Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Depuis toujours, les humains craignent les requins, ce redoutable prédateur qui sillonne les mers. On n'a qu'à écouter le film Jaws, sorti en 1975, pour s'en convaincre. D'ailleurs, le grand requin blanc n'a-t-il pas le surnom de mangeur d'hommes? Heureusement, cette image négative est en train de changer. Cet animal pourrait en effet sauver l'espèce humaine. En tout cas, c'est ce que Mélanie Jean va nous raconter. Donc, bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Oui, exactement. En fait, c'est des chercheurs américains d'un centre médical de l'Université de Georgetown à Washington qui ont mis en évidence que la squalamine, c'est une substance que les requins produisent dans leur foie, pourrait permettre de combattre certains virus humains qui vont de l'hépatite jusqu'à la fièvre jaune et on va voir plus tard même aussi certains cancers. En effet, grâce à cette substance, les virus dont sont affectés les requins sont contenus, voire totalement éradiqués dans certains cas. Et si on ferait un bref retour, les requins sont apparus au cours du Dévonien. Les plus anciens fossiles, pour vous donner une idée, datent d'environ 430 millions d'années. Ça, c'est près de 200 millions d'années avant les premiers dinosaures et 428 millions d'années avant nous. Donc, c'est bien plus vieux que nous. Exactement. Et ils ont relativement peu évolué depuis tout ce temps-là. Mais il s'agit c'est des animaux qu'on pourrait dire primitifs, mais c'est une image qui est un peu fausse. Vous allez voir avec ce que je vais vous expliquer. Parce qu'il semble que les requins résistent beaucoup mieux que plusieurs autres espèces marines aux assauts là, de la modernité et des virus et de toutes sortes d'infections. Ils sont plus résistants. Ouais. Par exemple, on évalue que 27% des bélugas du fleuve Saint-Laurent vont mourir d'un cancer dû à la pollution de l'eau, tandis que les requins, qui sont présents dans presque tous les océans du monde, ils développent très rarement des tumeurs, en plus d'être particulièrement résistants aux virus et aux bactéries. Donc, les chercheurs ils se sont demandé pourquoi. Pourquoi? Et pour vous donner une idée de ce qu'on fait de l'utilisation en fait des requins, qui à l'époque c'était pêché et leur chair était considérée comme excellente. Ben, c'est d'ailleurs toujours considéré excellent pour ceux qui ont goûté. J'ai pas fait l'expérience personnellement. Je ne sais pas non plus. Et sur les bateaux, on l'utilisait leurs huiles pratiquement pour n'importe quoi. Et on a découvert un peu par hasard que le squelette du requin était entièrement fait de cartilage. Ah, OK. Et qu'on pouvait utiliser ce cartilage-là pour, en fait, reconstituer le cartilage dans l'organisme humain. Et les graisses servaient aussi pour les articulations et puis améliorer la flexibilité de ces articulations-là. C'est un remède qui est apprécié contre les inflammations arthritiques et l'arthrose. Et ça atténue aussi les douleurs. Les fractures et les autres blessures osseuses guérissent plus vite grâce à ça. Puis tu parlais donc de la résistance au virus. Est-ce qu'on sait par quel processus? C'est la squalamine qui est responsable de ça. Je veux juste revenir sur les cartilages. Ils sont très riches en calcium, en phosphore, en collagène et en acides aminés. Et il contient même du sulfate de glucosamine. Il s'agit comme un anti-inflammatoire, en plus de restreindre fortement la souffrance là, qui est causée par les douleurs arthritiques et tout ça. Donc ça fait déjà longtemps qu'on connaît ça. Ça aide aussi à l'assimilation du calcium et à la minéralisation des os. On doit cependant préciser qu'il faut faire attention parce que la prise de cartilage de requin en complément alimentaire peut empêcher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale doivent pas prendre ça. Puis, les jeunes enfants qui sont en croissance aussi doivent pas prendre ce genre de choses-là. Donc, le cartilage de requin est utilisé là, sous toutes sortes de formes, là, de poudre, de gélules et de liquides, surtout pour les douleurs arthritiques. Mais si je reviens à la squalamine, qui est beaucoup plus intéressante, ça a été d'abord, les scientifiques se sont intéressés à son potentiel comme agent antibactérien d'abord. Et alors que de plus en plus de bactéries développent une résistance là, aux antibiotiques traditionnels, la squalamine pourrait présenter une alternative intéressante dans ce domaine-là. Les scientifiques ont découvert que la squalamine, qui est sécrétée par le foie des requins et qui constitue une partie de son système immunitaire, parvenait à limiter la progression d'infections virales chez les animaux et même dans certains cas à la guérir. Et c'est à partir du foie d'un petit requin qu'on appelle aiguilla commun qu'a été extraite pour la première fois cette substance qu'on a baptisée ensuite squalamine. Et déjà testée dans le traitement du cancer de certaines tumeurs, cette molécule-là qui a été découverte en 1993 par le professeur Michael Zaloff aurait également une action antivirale aussi large que puissante. Le professeur Zaloff rassure tout de suite là, les défenseurs des requins. Il y a pas on n'a pas besoin de tuer les requins pour obtenir la squalamine. Et on fait comment? Ben, ils sont capables maintenant de la synthétiser en laboratoire. Ah. Donc, on n'a pas besoin de tuer les requins pour récolter la squalamine. Selon l'étude qui a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, des cultures en laboratoire ont montré que cette substance pouvait inhiber l'infection de cellules sanguines par le virus de la dengue, ainsi que l'infection des cellules du foie humain par l'hépatite B et D. Ça ressemble effectivement à une molécule assez prometteuse. Oui, mais... tout à fait. Et deux expériences en laboratoire et sur les animaux. Le composé vient de démontrer une forte activité antivirale contre ces agents pathogènes humains, dont certains ne peuvent plus être traités efficacement. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, très prometteur. Mm-hmm. Il faut savoir que la squalamine constitue pour le requin une partie de son système immunitaire. C'est d'ailleurs pour ça que le professeur Zaloff s'y est intéressé. Initialement, il a cherché à comprendre pourquoi cet animal ne développait que très rarement de tumeurs et de cancers. Ouais. C'était très surprenant. La façon dont la substance agit en virologie n'est pas encore très claire, mais il semble que la molécule attaque la membrane des cellules infectées en entraînant la mort du virus. En revanche, les cellules saines demeurent très peu sensibles à l'activité de la squalamine, donc c'est pas un problème pour l'utiliser. Et selon le professeur Zaloff, le découvreur de la squalamine, cette molécule sans danger pour l'homme serait une substance prometteuse qui, dans son principe actif et sa structure chimique, n'a rien de commun avec d'autres matières actuellement à l'étude pour traiter des virus. Mm-hmm. Et son dosage idéal, selon lui, n'est pas encore déterminé avec précision, mais le chercheur entend procéder à des essais là, directement sur l'être humain. Par ailleurs, la squalamine, comme on a dit, qui est sans danger pour l'homme, avait déjà été envisagée pour traiter des maladies ophtalmiques et des recherches sont actuellement en cours. Donc, c'est une molécule qui a un usage multiple. Ouais, c'est ça. Autant les bactéries, les cancers, c'est vraiment très prometteur. On teste la squalamine sur des patients malades du cancer, car la substance active pourrait empêcher l'implantation de métastases. Est-ce qu'il y a eu des essais cliniques? Je crois qu'il n'y en a pas encore... vraiment là, sur le cancer. Ouais. Mais à l'heure actuelle, aux États-Unis, on est en phase 3 des tests. Mm-hmm. Ça, c'est la dernière phase avant la mise sur le marché là, de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer de l'ovaire et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge là, en ophtalmologie. Les expérimentations pratiquées sur les animaux montrent un arrêt de la croissance et une réduction même de la masse tumorale. Donc, c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, seul le requin dans tout le règne animal... là, on pourrait dire que c'est le seul qui n'est jamais touché par le cancer. Ah, c'est quand même donc, curieux, c'est, hein? C'est ça, ben. Pourtant, il ne mange pas ses 10 portions de fruits et légumes par jour, lui. Est-ce qu'il fait ses 30 minutes d'exercice par jour? Probablement ça, oui. Je pense qu'on va faire plus que ça. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que ce qui le protège, c'est probablement la fameuse substance, la squalamine. La squalamine, oui. Et c'est donc tout un défi qui attend les scientifiques pour essayer de trouver le dosage exact de la squalamine pour obtenir des résultats bénéfiques là, sans que ça soit toxique. Et grâce à la squalamine synthétique développée en laboratoire, on peut s'attendre à ce que les recherches avancent rapidement et aussi sans porter atteinte à la population de requins là, qui est déjà victime beaucoup là, de la pêche et du braconnage là, pour les ailerons, là, surtout ouais, c'est vrai. Sur le marché asiatique, c'est très populaire, on pourrait dire. Puis il y a énormément de requins qui sont massacrés pour ça. Là. Donc, on pourrait peut-être tirer profit du système immunitaire du requin pour faire de tous ces composants antiviraux des agents qui protégeraient l'humain d'une large variété de virus. On aurait peut-être un super antivirus, qui sait. Ouais. Donc, ça a de quoi réconcilier l'homme avec le requin. Absolument. on devrait peut-être penser à changer le titre du film « Les dents de la mer » pour « Les dons de la mer ». Bonne idée. Bonne idée. Et donc, en fait, c'est une recherche aussi, je trouve, qui nous rappelle l'importance de conserver la biodiversité dans son ensemble. Oui, parce que, la réserve génétique, des substances qui sont dans la nature. Dans la nature. À notre disposition. Et il y en a peut-être d'autres dans les animaux qu'on est en train de... saccager, d'éteindre. Qu'on connaît pas puis qu'on devrait qu'on pourrait découvrir. Ouais. Alors merci beaucoup Mélanie. Et ça m'a fait plaisir. Et sur cette étude encourageante, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89,1 et Futur Simple vous revient juste après avec les nouvelles.